Regain d'amour par André Theuriet. C'est singulier, le paysage me semble plus sec et plus terne qu'il y a 25 ans. Les collines sont plus basses, les arbres plus clairsemés, la vallée moins verte. Juché sur l'impériale, Jacques Fauvel se répétait cela à chaque borne kilométrique, tandis que l'omnibus du chemin de fer faisait le trajet de la station des Maisons Blanches à Saint-Clémentin. Jacques Fauvel était un célibataire de 48 ans, encore bien conservé pour son âge, grand, solide, avec une barbe grisonnante, des cheveux restés blonds, un teint clair et des yeux bleus candides. Il avait jadis passé à Saint-Clémentin une des plus belles saisons de sa jeunesse, une de celles qui demeurent dans le souvenir, teintée d'une fraîche couleur d'aurore, et qui brille d'un éclat particulier à travers la grise monotonie des années survenantes. Le courant de la ville avait ensuite entraîné au loin. Obligé de gagner le pain quotidien et de le gagner à la sueur de son front, le combat pour l'existence l'avait absorbé au point de ne pas lui laisser le loisir de songer au mariage. Au plus fort de la bataille, sa seule consolation était parfois de songer au bon temps de Saint-Clémentin. Il revoyait la petite ville aux rues herbeuses, les jardins fleuris de jasmin et de magnolia, les vignes en tonnelle, les châtaigneraies, la rivière endormie sous les nénuphars, et il se disait « Il faudra que j'aille visiter tout cela quand je regagnais de quoi me reposer. » L'heure du repos avait enfin sonné. Jacques Fauvel s'était retiré des affaires après fortune faite, comme on dit dans le commerce. Sa première pensée fut pour la petite ville poitevine dont il avait si souvent rêvé, et il résolut de consacrer ses premiers jours de liberté à un voyage en Poitou. Voilà pourquoi, par une chaude après-midi de juillet, il roulait sur la route de Saint-Clémentin et s'était juché sur la banquette de l'impériale afin de ne rien perdre du paysage. Et tout en tressautant au chaos de la lourde voiture, il se remémorait doucement les choses du temps passé. Le modeste hôtel du Chêne Vert où il prenait pension et où l'on pénétrait par une porte tréflée, pratiquée dans une tourelle au toit en étain noir. La fenêtre du rez-de-chaussée garnie de pots de réséda et de géranium, derrière lesquelles travaillait Marceline, la fille de la maîtresse d'hôtel. Elle était bien jolie, cette Marceline, qui comptait alors 18 ans à peine. Quand Jacques, à l'heure des repas, passait devant la fenêtre basse, il apercevait entre les géraniums rouges la brune jeune fille aux yeux luisants et son cœur battait ferme, car il était féru de la savoureuse beauté de Marceline, et il y pensait jour et nuit. Quelquefois, au sortir du dîner, il s'arrêtait à causer avec elle dans le couloir. La conversation était enfantine et roulait sur des sujets insignifiants. Et cependant, les plus banales paroles prenaient, en tombant des lèvres du jeune homme, une expression de tendresse à laquelle il eût été difficile de se tromper. Jacques était timide à l'excès, mais Marceline était perspicace. Peut-être bien devinait-elle ce qu'il n'osait dire. Elle avait une façon si troublante de sourire et de jouer de la prunelle, quand le jeune pensionnaire l'interrogeait. Malgré ce muet encouragement, Jacques n'avait jamais pu prendre sur lui de déclarer son amour. Ses plus grandes audaces consistaient à offrir à Marceline de gros bouquets de fleurs sauvages qu'il rapportait de ses promenades à travers champs, et que la jeune fille plaçait dans un vase de faïence près de sa table à ouvrage. Cela avait duré tout un printemps et tout un été, puis, l'hiver arrivé, Jacques était parti pour Paris. Le tourbillon de la vie affairée et peineuse avait soufflé sur son amourette et il n'avait plus jamais entendu parler de Marceline. Qu'était-elle devenue? La retrouverait-il encore et dans quelle situation? Mariée sans doute et mère de famille, occupée de son ménage et de ses enfants. Tandis que Jacques se posait ces questions, l'omnibus descendait une rampe rapide qui tournait brusquement le coin de la grande rue. La physionomie de Saint-Clémentin n'avait guère changé. Les façades des maisons étaient toujours aussi grises, les pavés des rues avaient conservé leur touffe d'herbe, les servantes filaient toujours au fuseau sur le pas des portes. Et pourtant, il sembla à Jacques que la petite ville était extraordinairement maussade et endormie, sous l'implacable soleil qui la brûlait. C'était lui qui avait changé. Habitué au brouhaha des rues de Paris, le silence de ses logis aux volets clos, lui donnait l'impression d'une cité abandonnée. La tristesse des quartiers somnolents lui tombait lourdement sur le cœur. L'omnibus s'arrêta devant l'hôtel du Chêne Vert, dont l'enseigne enguirlandée de vignes se balançait encore au-dessus de la porte tréflée. Au claquement du fouet du conducteur, une servante coiffée du haut bonnet poitevin accourut. Jacques était l'unique voyageur ramené à l'hôtel. Pendant qu'on descendait sa valise, il interrogeait la servante. « Comment va, Madame Gacougnol ?»« Ah, mon pauvre monsieur, elle est morte, voilà 10 ans. »« Et Monsieur Gacougnol ?»« Il est bien cassé, monsieur, et ne peut plus bouger de sa chaise. L'hôtel est maintenant tenu par sa fille. » Ah. Jacques n'osa pas demander si cette fille était mariée. Il resta un moment silencieux et prit la servante de lui donner une chambre. « Je vais vous montrer les chambres moi-même, » reprit celle-ci, « parce que voyez-vous, en ce moment, notre maîtresse est occupée auprès de son père. » Il grimpa à sa suite l'escalier de pierre en colimaçon, s'installa dans une chambre blanchie à la chaux, qu'il trouva singulièrement inconfortable, puis après s'être plongé la figure dans l'eau, il descendit pour revisiter la ville et les environs. Il remit la place avec sa halle aux piliers de bois et sa toiture de tuiles brunes. La halle lui sembla écrasée, ainsi que les maisons et les misérables boutiques qui s'ouvraient au rez-de-chaussée. L'église romane, qui lui avait jadis fait l'effet d'un monument grandiose, lui apparaissait maintenant mesquine et délabrée. Pour secouer l'impression mélancolique causée par toutes ces déconvenues, il gagna la campagne et longea le cours de la Charente. Le pont à Dodane, bâti au-dessus de la rivière, joignait comme autrefois l'extrémité de la Grand-Rue avec le faubourg des Fonds de Treille. Des noyers bordant la berge étendaient leur ombre sur les eaux lentes et noires, puis le chemin se resserrait entre de hauts buissons qui le séparaient de la prairie et où s'enroulaient des clématites sauvages. Jacques voulut tout revoir. Les borderies à demi cachées sous les figuiers, les brandes semées de châtaigniers, le moulin bâti au milieu d'un îlot planté de grands arbres, et où il avait passé des heures délicieuses à respirer l'odeur des menthes et des reines des prés, tandis que le tic-tac montait gaiement parmi les brouillards au blanc retroussi. Mais là encore, il eut une déception. La rivière avait rongé et rétréci la prairie, les tonnelles s'étaient effondrées, la brande toute rose de bruyère était défrichée, et les arbres de l'îlot ayant été coupés, le moulin seul montrait en plein soleil sa roue immobile et ses toits croulants. À la brune, il revint vers Saint-Clémentin, le cerveau tout embrumé de tristesse, le cœur serré et les pieds las. Il s'attabla dans la salle à manger de l'hôtel où des mouches bourdonnaient contre les vitres, et l'attendit mélancoliquement qu'on lui servît à dîner. La porte s'ouvrit enfin et une femme d'environ 40 ans entra, portant le potage. Jacques, qui lisait un journal, la regarda distraitement. C'était une personne de moyenne taille, svelte encore malgré un commencement d'embonpoint. Elle avait des cheveux bruns et, autant que le jour déclinant permettait de le constater en cette pièce déjà sombre, d'assez beaux traits un peu empâtés. Jacques pensa que la nouvelle venue était quelque parente appelée à supplier à la maîtresse d'hôtel et, tout en dépliant sa serviette, il demanda « Comment va, monsieur Gacougnol ?»« Ni mieux ni plus mal, monsieur, il est toujours très faible. »« Sa fille est restée près de lui ?»« Je vous demande pardon, monsieur. »« Sa fille, c'est moi. » Jacques tressauta et faillit laisser tomber sa cuillère dans son potage. « Hein ? Vous êtes mademoiselle Marceline ? » s'exclama-t-il. Il n'en revenait pas. « Quoi ? Cette personne, déjà rondelette, aux traits légèrement épaissis, au charme amurissant, c'était la mignonne et séduisante Marceline d'autrefois ? » Il allait ajouter « Je ne vous aurais pas reconnue. » Mais il se contint par politesse. La dame semblait intriguée de l'exclamation de son client et l'examinait plus attentivement tout en enlevant le potage. Quelques minutes après, elle reparut avec une lampe, un encrier et un registre. « Voudriez-vous, monsieur, dit-elle, être assez bon pour inscrire votre nom sur mon livre? Vous savez, c'est une formalité dont nous ne pouvons nous dispenser. » Il prit le registre, trempa sa plume dans l'encrier et écrivit « Jacques Faubel ». « Ce nom ne vous rappelle-t-il rien ? » ajouta-t-il en remettant le registre ouvert à l'hôtelière. « Mon Dieu, » répondit-elle après avoir lu, « je ne sais trop. Pourtant, attendez donc. Oui, je crois que nous avons eu dans le temps un pensionnaire de ce nom-là. C'était moi. À vous, monsieur. Excusez si je ne vous ai pas remis tout d'abord. Ce qui m'a trompé, c'est qu'alors vous ne portiez pas de barbe. Je me souviens maintenant. C'est vous qui faisiez de si jolis bouquets. Ah, bonnes gens, comme c'est loin et comme on change. » Jacques était un peu humilié de n'avoir pas été reconnu du premier coup. Maintenant que la salle était éclairée, Il pouvait étudier plus minutieusement l'hôtelière, tandis qu'elle vaquait au service. Il retrouvait peu à peu, à travers les empattements de ce visage coloré par la maturité, le sourire aimable des lèvres rouges et l'humide langueur des yeux d'un bleu noir de la Marceline d'autrefois. « Oui, soupira-t-il, il s'est passé bien des choses depuis le temps où je prenais ma pension chez vous. 25 ans, cela fait un bon morceau de la vie, n'est-ce pas, madame? Comment vous appelez-vous maintenant ?»« Je m'appelle toujours Marceline, » répliqua-t-elle avec un sourire un peu contraint, « car je ne suis point mariée. » Puis, comme elle avait servi le dessert, elle salua Fauvel et sortit. Jacques remonta tout morose dans sa chambre. Il approcha sa bougie du miroir terni qui décorait la cheminée et s'y regarda attentivement. Il vit ses cheveux clairsemés, sa barbe poivre et sel, les pattes d'oie que les rides avaient marquées au coin de ses yeux. À son tour, il constata qu'il était vieilli. Puis, ramené par cette constatation à une plus juste appréciation de la réalité, il s'avoua que, comparativement, Marceline s'était mieux conservée que lui. Il s'endormit en pensant à elle et aux jeunes saisons où il l'avait connue. Dès le fin matin, il s'éveilla, ouvrit sa fenêtre et se recoucha. Sur les chéneaux du toit, des hirondelles gazouillaient. La cloche de l'église sonnait l'Angélus et au loin résonnaient des battoirs de lavandière. Tous ces bruits familiers, Jacques ne les avait plus entendus depuis sa 23e année. Et il eut un moment l'illusion de la résurrection du temps passé. Il s'habilla et sortit. Le ciel était découvert et un gai soleil argentait l'eau noire de la Charente. Sur le courant à peine sensible, les nénuphars étendaient leurs rondes feuillées cailleuses semées de larges roses blanches et une odeur de menthe s'exhalait des talus herbeux. Un certain détour du chemin, le charme fut complet. Il semblait à Jacques, tant les sensations d'autrefois se reproduisaient fidèlement, que le temps n'avait pas marché et que sa jeunesse ne l'avait point quitté. Insensiblement, il se réaccoutumait au pays, aux habitations, aux habitants, et cette nouvelle accoutumance rajeunissait toute chose autour de lui. Plusieurs jours se passèrent ainsi. Il ne songeait plus à quitter Saint-Clémentin. Il avait repris pension au Chêne Vert, causait souvent après dîner dans la chambre fleurie de géranium, se promenait longuement à travers la campagne et rapportait de ses promenades de gros bouquets que son hôtesse plaçait dans les vases de faïence de la salle. Un soir, il était resté plus tard que de coutume à converser avec Marceline. La nuit venait peu à peu, la lune se levait au-dessus de l'église. Ses rayons, glissant obliquement à travers la place déserte, bleuissaient les géraniums et veloutaient finement le visage de l'hôtesse accoudée à l'appui de la croisée. Le reste du corps était plongé dans l'ombre. Seul son profil se dessinait avec précision, et aux clartés lunaires, on distinguait le scintillement de son regard. Elle causait avec enjouement, et comme sa voix était demeurée très jeune, Jacques, ce soir-là, eut plus vivement que jamais l'illusion du passé. « Pourquoi ? » demanda-t-il tout à coup. « Ne vous êtes-vous point mariée, mademoiselle ?»« Pourquoi ? » répondit-elle en soupirant. « Mon Dieu, tout simplement parce que j'étais trop difficile. Les parties qui se présentaient ne me plaisaient point, tandis que ceux que j'aurais acceptés ne se souciaient point de moi. J'ai pris de l'âge, j'ai coiffé Sainte-Catherine et je suis devenue une vieille fille. Moi, si je suis resté garçon, reprit Jacques, c'est que je n'ai jamais eu le loisir de songer au mariage. Pourtant, ce n'était point l'envie qui me manquait. Et même, quand j'habitais encore Saint-Clémentin... Tenez, mademoiselle Marceline, voulez-vous que je vous avoue une chose? En ce temps-là, j'étais très amoureux de vous et vous ne vous en êtes jamais douté. Elle sourit et son œil brilla plus humide. Vous vous trompez, répliqua-t-elle. Je m'en étais bien aperçu et puisque nous en sommes aux confidences... J'ai eu du plaisir à m'en apercevoir. Seulement, vous n'ouvriez pas la bouche, et je ne pouvais franchement vous en parler la première. D'ailleurs, vous étiez si jeune, je prenais cela pour un enfantillage. Jacques se sentit tout d'un coup soulevé de terre et ressaisi par un renouveau de passion. Il s'était rapproché de Marceline, et dans le silence de la pièce obscure, on entendait sa respiration plus courte et plus pénible. « Et aujourd'hui ? » murmura-t-il en prenant les mains de l'hôtelière. « Si je vous disais que je vous aime comme autrefois, croiriez-vous encore que c'est un enfantillage ?»« Aujourd'hui, aujourd'hui, » balbutia Marceline troublée. « Ne plaisantez non pas, monsieur Jacques, aujourd'hui nous sommes trop vieux. »« Je ne plaisante pas, » affirma-t-il, « mon cœur est demeuré libre. »« Et je ne me trouve pas trop vieux, » pour vous rendre la vie heureuse, si vous voulez de moi et de ma petite fortune. » Et Bobby, n'ayant même pas la force de retirer ses mains que Jacques étreignait, elle ne répondait pas. Mais au clair de lune, on voyait sa ronde poitrine se soulever et s'abaisser précipitamment. À la fin, elle poussa un profond soupir et, secouant la tête, « Non, dit-elle, ce n'est pas possible. Mon père est malade, il a besoin de moi, et je ne pourrai vous suivre à Paris. De notre côté, si vous consentiez à vivre ici, vous en auriez bientôt du regret, et vous finiriez par m'en vouloir de vous avoir trop vite pris au mot. » Elle lui serra affectueusement les mains et ajouta, « Je vous le répète, nous sommes trop vieux pour nous monter la tête de la sorte. Merci et adieu, monsieur Jacques. Il faudra vous en aller demain. » Parce que si vous restiez davantage, cela ferait jaser. Adieu. » Elle le renvoya. Il partit le lendemain, et tandis que l'omnibus roulait sur les pavés inégaux de la grande rue, Marceline, dissimulée derrière l'écharnium de sa croisée, essuyait une larme en écoutant le bruit sourd des roues qui lui semblait comme un dernier écho de sa lointaine jeunesse. Certaines vignes refleurissent parfois quand les raisins des tiges inférieures commencent déjà à noircir. La fleur exhale encore un pénétrant parfum, mais c'est tout. Son pollen n'est point assez fécond, et la grappe d'arrière-saison n'arrive jamais à maturité. Il en est de même des amours qui éclosent trop tard, et c'est pourquoi Jacques Fauvel est resté garçon. Ainsi s'achève Regain d'amour par André Theuriet.